raconte un peu. Ouais, tout est en ordre. Moyenne. Vous vous rappelez qu'à la fin de notre dernière leçon, Sylvie faisait ses courses au marché. Analysons de plus près ce dialogue. Bonjour madame. Du chain Orangenhaut. Orangen est le pluriel de orange qui est prononcé et écrit à la française. On ajoute simplement un N pour former le pluriel. Ein Orange, zwei Orangen. Le mot, comme vous l'aurez remarqué, est féminin. Gib mir ein Kilo, wenn ich gelift. Un kilo. Gib mir ein Pfund. Une livre. Kilo est masculin et pond est neutre. Et même si vous preniez 2 kilos d'orange et 3 livres de raisin, vous diriez toujours simplement kilo ou pond. Gib mir 2 kilo Orangen an 3 pond drauven. Je brauche auch noch Schuffleur. Schuffleur est masculin et prend aussi une terminaison en en au pluriel. 2 Schuffleuren. Bananen est féminin. Ein Banan, zwei Bananen. Donc aussi un pluriel en en, un. La même chose pour Kisten, cerise. Ein Kist, zwei Kisten. Alors que pour les raisins, le F à la fin du singulier, ein Drauf, se transforme en Wen au pluriel. Drauven. Ein Drauf, zwei Drauven. Zosnarepes veut dire encore quelque chose. Ne merci, dadas alles. Non, merci, c'est tout. Hu dir kein Münz? Münz veut dire petite monnaie, alors que l'argent s'appelle Zouen, comme les sous en français. Sauf qu'en luxembourgeois, il s'agit de l'argent en général. Dans certaines circonstances, on peut aussi trouver le mot allemand Geld, mais en règle générale, les Luxembourgeois disent bel et bien « Zouen ». Restons encore un peu avec ces fruits et légumes. Une poire devient « ein Bier » en luxembourgeois. « Ein Bier, zwei Bieren ». Le mot désigne d'ailleurs aussi des ampoules. Une pomme est « ein Apfel », qui est masculin et au pluriel se transforme en « Apple ». Ein Apfel, zwei Äpfel. Ein Mandarin, zwei Mandarinen. Ein Zitrone, zwei Zitronen. Ein Pamplemus, zwei Pamplemussen. Ein Mango, zwei Mangoen. Ein Kiwi, zwei Kiwien. Ein Ananas, zwei Ananasen. Ein Melon, zwei Melonen. Tout ça, je pense, vous le comprenez spontanément. Les fraises, par contre, s'appellent Erdbeer. Erdbeer et les groseilles deviennent des Kricheln. Kricheln. Et une noix est ein Nuss. Au pluriel, Nuss. Une noix, Nuss. Des noix, Nuss. Même phénomène pour les légumes, dont quelques-uns sont analogues aux français, alors que pour les autres, on ne devinerait jamais. Nous avons vu le chou-fleur. Il y a aussi les tomates. Ein Tomat, zwei Tomaten. La salade devient Salat au féminin. Les olives sont des Oliven féminins. Les asperges se transforment en Spargeln. Ein Spargel, zwei Spargeln. Les épinards en Spinat. Un singulier masculin, de Spinat. Les pommes de terre en Gromperen, ein Gromper, zwei Gromperen. Les oignons deviennent Önnen, ein Önn, zwei Önnen. Les haricots, Bohnen, ein Bohn, zwei Bohnen. Les petits pois, Erbsen, ein Erbs, zwei Erbsen. Et les carottes, Mouetten ou Wurzeln. Ein Mouet, zwei Mouetten, ein Wurzel, zwei Wurzeln. Ajoutons encore quelques mots pour compléter notre liste d'achats pour le supermarché. L'huile devient Ölisch, den Ölisch au masculin. Eng flash oelech, une bouteille d'huile. Le vinaigre devient essig, den essig masculin. Eng flash essig, une bouteille de vinaigre. Le sucre, vous vous rappelez, s'appelle zucker, den zucker masculin. Le lait, mulch, mulch féminin. Le sel devient salz, salz, neutre. Le poivre devient pfeffer, de pfeffer, masculin. Un œuf s'appelle un i, au pluriel ior, neutre. Une douzaine d'œufs, ein dozen ior. Les pâtes s'appellent nudeln, nudeln, féminin. Nudel au singulier et le riz devient reis, reis masculin. Et pour finir, un bon morceau de tarte au quetsch, a good stick quetschentorte. Les pommes de terre, vous les achetez en sachet. Un sachet s'appelle ein Tut, zwei Tuten. Les oignons seront plutôt dans un filet, un mot que les Luxembourgeois ont adopté, a filet onion. Un paquet s'appelle a pack et une boîte de conserve ein Bix. Un petit pot devient ein Döppchen. Kompren kosten 100 francs tout. Dinnen 39 francs de filet. Donc, comme en français, l'emballage ou la quantité sont précédés d'un article défini. 100 francs tout. 39 francs de filet. Et voilà pour aujourd'hui.